Je vais pas répondre à tout parce que il faut quand même que d'autres gens parlent aussi. Mais je vais peut-être commencer par la question que vous m'avez posée sur le cancer au Niger et le fait qu'il y a... Oui, c'est absolument vrai. Il n'y a pas donc il n'y a pas de système, de ce que j'appellerais d'infrastructure pour la diagnostic. Et donc, c'est vrai que si on ne peut pas trouver quelque chose, on peut dire qu'elle n'existe pas. C'est en fait l'argument, si vous voulez, plus large que j'essaye de faire en suivant les travaux de Michel Murphy sur les régimes de perceptibilité. C'est-à-dire que cette idée que pour rendre un danger perceptible, il faut des instruments, certes, il faut des mesures, mais ce n'est pas que ça. Il faut aussi des institutions qui peuvent faire quelque chose avec ces mesures, qui peuvent les rendre de façon comparative. Donc, par exemple, même si on pouvait détecter les cancers au Niger, à ce moment-là, il s'agirait, la prochaine question serait, mais est-ce que ces cancers sont dus aux expositions radioactives? À ce moment-là, ce qui manquerait comme infrastructure, c'est une histoire du cancer au Niger, c'est-à-dire un registre du cancer qui montrerait que le taux de cancer moyen au Niger est tel. Donc, si le taux est plus élevé ici, c'est peut-être dû... c'est tout le problème de la causalité qui se pose. Et ça, je pense qu'on peut le ramener donc aux questions qu'ont posées Pascal. Je ne sais pas pourquoi je veux t'appeler Paul. Mon mari s'appelle Paul aussi. Bon. C'est pas si... C'est une déclaration. Oui, bon, bref. sur les échelles de domination... Et cette idée que la question aussi très intéressante qui est liée à l'idée du choix du travailleur, qui rapporte pour moi à ces questions de... Alors là, le mot français m'échappe, les questions de agency. On dit agencement. Parce que agencement, ça, je l'entends plutôt de façon calonienne. C'est le pouvoir d'agir. Ouais. Voilà, le pouvoir d'agir, ouais. L'autonomie, l'idée que les acteurs historiques, sociaux, ont des choix individuels. Par rapport, donc le problème classique en histoire et en sociologie, c'est agency par rapport à structure. Ouais. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Et moi, j'aime bien donc cette approche qui pense plutôt en termes de distribution. C'est-à-dire qu'il y a les choix. Bien sûr, il y a les individus qui prennent des décisions au jour le jour, mais ces décisions sont imbriquées dans des infrastructures techniques telles que les systèmes de mesure, etc. Dans la production des savoirs, mais aussi dans les réseaux culturels ou sociaux, tels que le fait si on est travailleur malgache, par exemple, est-ce que cette idée de radiation ça veut dire quelque chose au jour le jour? Est-ce qu'on a des images dans la tête de la bombe atomique, etc., si on est travailleur dans le désert, dans l'Android? Donc, il n'y a pas seulement l'accès au savoir formel, mais il y a aussi l'imbrication dans des réseaux informels. Et donc, c'est toute cette une distribution du pouvoir dans les choses et dans les réseaux qui opèrent, et qui rend donc ces questions d'échelle de domination et aussi ces questions de choix des travailleurs, et comme vous avez dit tous les deux, qu'est-ce que ça veut dire la méconnaissance des risques, etc., qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie, en fait a de moins en moins de sens, à mon avis. C'est-à-dire que c'est pas... Alors, c'est vrai, j'ai pas encore lu, j'ai commencé à lire le livre de Pierre Fournier, mais pas plus de 15 pages. Donc, mais c'est vrai que d'après ce que Laure a dit, ça revient donc à cette question d'erreur humaine, ou si on pense aux questions des sous-traitants, soit en France, soit au Japon, qu'est-ce que ça veut dire que ces gens, de parler de choix, de laisser leur dosimètre de côté, je pense que si on... Enfin, au niveau politique, on peut peut-être essayer de cerner, de vraiment cadrer la question de choix, mais au niveau sociologique et historique, je pense qu'il faut sortir de ces catégories-là et penser autrement. Voilà, donc je dirais simplement au monsieur qui m'a posé la question par rapport à l'histoire de l'uranium. Oui, le livre en traite pas mal. Je ne traite pas de Bokassa. Bon, certaines choses que vous avez évoquées, je traite de ces questions, certaines choses non. Mais je suis historienne, peut-être pas très disciplinée, mais quand même historienne, donc il y a quand même pas mal de traitements historiques là-dedans. Voilà, donc sinon, cette question de virilité, ça c'est peut-être une occasion donc de passer la parole. Vous avez aussi évoqué, moi aussi j'ai interviewé André Tess du Baillet il y a 23 ans ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. quand j'ai fait les travaux donc pour la thèse qui est devenue le livre. Mais à cette époque-là, quand j'ai fait les travaux pour le rayonnement de la France, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions de virilité. Une des choses que je traite dans ce livre, c'est l'accident à Saint-Laurent-des-Eaux en 1969 et la manière dont les gens dont les travailleurs sont entrés dans la centrale pour tout nettoyer. Et le grand métaphore, c'était vraiment le métaphore masculin par excellence à l'époque, c'était le métaphore de l'astronaute. Donc le pionnier qui va au-delà des frontières, qui entre dans un espace méconnu, etc. Et donc, partout, je pense, dans le nucléaire, on peut voir ces métaphores masculins, il faut en parler de beaucoup de manières. Et ce qui est intéressant dans les mines d'uranium, c'est que la masculinité n'est pas vraiment construite autour des expositions des radiations, c'est vraiment construite de la même manière que n'importe quelle mine, de façon donc peut-être qu'on pourrait dire très banale, mais en même temps très masculin, de ce que c'est le travail en mine. Je pense que tout le monde connaît un petit peu les questions. Donc ça, c'est peut-être intéressant à réfléchir un petit peu aussi. Bon, il y a plein d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là quand même.